fermé. Certainement autant d'amour qui s'échappe de tes mots. Pour supporter la distance, laisse-moi ton goût secret. Donne-moi toute une vie, le privilège de te faire l'amour. À conquérir, veux-tu te joindre à moi? J'aimerais faire